Chant 18e. Il est dedans l'enfer une sombre carrière, Malbolguet est son nom, de couleur fer en pierre et telle que l'enceinte arrondie alentour. Dans le milieu précis de la plaine livide, d'un puits large et profond, l'œil mesure le vide. En son lieu, j'en dirai la structure et le tour. L'enceinte qui s'étend du puits gorge profonde jusqu'au pied de la roche, et je le disais ronde, et 10 fossés distinguent son partage de fond. Tel pour garder les murs des hautes citadelles, ces fossés que l'on creuse en grand nombre autour d'elles, protégeant tous les points et de flanc et de front. Tels ces gouffres ici cavés de même sorte, et comme aussi les ponts-levis qui, de la porte au bord extérieur, mènent en s'abaissant. De même au pied du mur, nous offrant une marche, sur chaque fosse un pont de rocher comme une arche, monté et jusqu'au puits allé aboutissant. C'est là que nous étions, quand du dos de la bête, nous fûmes brusquement mis à bas. Le poète marcha, tournant à gauche, et par moi fut suivi. À main droite, je vis alors l'arme nouvelle, nouveau bourreau, douleur neuve et plus cruelle, dont le premier fossé me parut tout rempli. Les pêcheurs étaient nus au fond de la tranchée. Une moitié venait vers nous, l'autre cachée s'avançait avec nous, mais d'un pas plus pressé. Tel l'ant du jubilé, les Romains, quand la foule couvre tout le grand pont et lentement s'écoule, cheminent dans un ordre à l'avance fixé. D'un côté marchent ceux qui s'en vont à Saint-Pierre, et ceux qui, revenant de dire leur prière, retournent vers le mont, vont sur un autre rang. De ça, de là, debout sur les noirâtres berges, d'affreux démons cornus, avec de grandes verges, quand les pêcheurs passaient les fouettaient jusqu'au sang. Ah, ces infortunés, comme ils levaient les jambes, au premier coup de gaule, ils s'enfuyaient ingambes, et pas un n'attendait le cadeau d'un second. Tandis que je marchais à côté de mon maître, j'en vis un tout à coup que je crus reconnaître. J'ai, dis-je, vu cet homme ailleurs qu'en ce bas-fond, et je tenais mes yeux fixés sur son visage. Aussitôt près de moi s'arrête mon doux sage et me laisse en arrière aller de quelques pas. Le flagellé baissait la tête avec contrainte, essayant d'éviter mon regard. Vaine feinte, je lui criai. Toi, là qui portes le front bas, si tes traits ne sont pas trompeurs, spectre d'un homme, c'est Caccian Amico Venedic qu'on te nomme. Dans ce bassin de fiel, quel crime payes-tu? Et le pêcheur à moi. J'aimerais mieux me taire, mais je me sens contraint par ta voix pure et claire qui me fait souvenir du monde où j'ai vécu. C'est moi, quoi qu'on ait dit, sur cette immonde histoire, qui poussait Gisola, prompte, hélas, à me croire, à céder au désir du marquis de Bizzo. Bologne a plus d'un fils ici qui souffre et pleure. Ce gouffre en est si plein que peut-être à 7 heures, moins de bouche depuis la Savène au Rénau, parlant en écorchant le si dans leur langage. De ma véracité faut-il un témoignage? Rappelle à ton esprit combien l'or nous est cher. Il me parlait encore quand un démon s'élance, et lui cinglant les reins d'un coup de fouet. Avance, ruffiant, on ne vend plus de femmes en enfer. Le damné s'éloigna. Je rejoignis mon guide. Après quelques instants d'une marche rapide, un roc s'offrit à nous, qui s'élevait du bord. Sur ce pont escarpé, qu'aisément nous gravîmes, nous tournâmes à droite, au-dessus des abîmes, laissant derrière nous cette enceinte de mort. Quand nous fûmes au point où la roche sauvage fait voûte aux fustigés pour leur donner passage, mon maître dit « Arrête et regarde-les tous ». Ces autres condamnés, dont la peine est semblable, et dont tu n'as pu voir encore le front coupable, parce qu'ils avançaient du même sens que nous. Et du vieux pont alors, nous regardons la file, qui de l'autre côté vient vers nous et défile, et que semblent aussi les noirs fustigateurs. Le bon maître, sans même attendre ma demande, me dit « Vois arriver cette ombre, la plus grande, qui passe, le front haut et dévorant ses pleurs. Quel air de roi demeure empreint sur son visage? C'est Jason, Sa prudence égale à son courage, ravit la toison d'or à Colchos autrefois. Il passa par Lemnos après la nuit impie, où les femmes de l'île, unissant leur furie, les hommes furent tous massacrés à la fois. Par sa feinte et ses soins et sa tendre éloquence de la jeune Hypsiphile, il trompa l'innocence. Comme elle avait trompé la rage de ses sœurs, il l'abandonna là seule et près d'être mère. Ce péché le condamne à cette peine amère, et Médée est vengée aussi de ses douleurs. Qui trompe comme lui marche et souffre. Mais nous avons assez regardé dans ce gouffre, et tu sais maintenant les péchés qu'il contient. Nous arrivions au point où notre route étroite, avec le second bord, s'entrecroise et s'emboîte, sur un deuxième pont qu'elle épaule et soutient. Et voici que j'entends de la fosse prochaine, geindre et souffler du nez, toute une foule humaine qui se frappe du poing, se tord et se débat. Sur les noires parois, ces durcies et collées, une épaisse vapeur montant de la vallée, qui repousse à la fois la vue et l'odorat. Le gouffre est si profond que pour voir dans l'abîme, il faut escalader le pont jusqu'à la cime, au point où le rocher s'élève plus altier. J'y parvins, et penché sur la fosse profonde, je vis des gens couchés dans un fumier immonde qui semblait le priver de l'univers entier. Et tandis que mes yeux plongeaient dans ces souillures, j'aperçus un damné, le front si plein d'ordures, qu'on ne pouvait savoir s'il était clair ou non. Il cria, « Dans la fange où le flatteur se vautre, pourquoi me regarder, moi, plutôt que tout autre ?»« Sais, lui dis-je, que si mon souvenir est bon, je t'ai vu des cheveux moins mouillés sur la nuque. N'es-tu pas Alexis Interminel de Luc ? Voilà pourquoi sur toi mon regard s'attachait. » À ces mots se frappant la tête, l'ombre crie. C'est là que m'a plongé l'ignoble flatterie, qui jamais sur ma langue autrefois ne séchait. Mon guide intervenant alors, « Porte ta vue, dit-il, un peu plus loin dans la sombre étendue, et reconnais là-bas dans le hideux contour les traits de cette fille immonde, échevelée, qui se déchire avec sa griffe maculée, s'accroupissant et puis se dressant tour à tour. C'est la fille Thaïs, la courtisane infâme, répondant au galant qui disait « Chère femme, ton amour est-il grand ? Il est prodigieux. Mais viens, n'avons-nous pas rassasié nos yeux ?